Je suis dans le compi sous moi. Je suis que j'adore, eh ben, c'est toujours son sujet. Enfin, je ne sais pas, il porte toujours ses nuances. J'entends qu'il est mauvais. Enfin, il est bon mauvais, mais pas mauvais mauvais. Bah, est-il un grand danseur? Qu'est-ce que tu veux dire, est-il un grand danseur? Il a commencé cette danse. Proche. Très, très proche.